Laisse-moi faire partie des miens, être une partie d'un tout et des êtres partis de rien. J'avance, ça me fait un fou du bien. Comment ça commence? Ça y est, je m'en souviens. Je rêvais déjà les paupières closes dans la cour de récré. La lumière traversait ma peau et d'un coup ça valait le coup de créer. Comme par faire d'un coup de crayon l'imaginaire d'après un trouble réel. Puis faire l'amour pour voir le tout rayé. Le tout rayé surpris nos peines, oui la douleur est hâle. Mais la tout briller c'est le prix Nobel pour les lauréats. C'est qu'on est plein à exister sans recevoir médaille. Résister contre le mal pourtant, c'est un savoir Jedi. D'où l'importance de la paix dans chaque sourire sincère. Ouais, chaque sourire ça sert, faut pas que t'oublies ça frère. Les gros cimères à vous de me prêter main forte. Car bordel s'y plaire, j'avoue c'est dur donc je m'imprègne et je m'informe. Ma fin de taire les bruits, c'est le crack à plaque et de médicaments. Ou pour fuir le crack, car je sais que ça qu'elle prémédite un manque. Évidemment, je forge mes valeurs dans l'underground à force. J'avance, mes peurs transforment même si elles en redemandent. Merci d'avancer coûte que coûte, de rendre chaque mandal, chaque mandal. Pour le pire et le meilleur, j'ai pas peur de dire, j'ai pas peur de dire que j'ai peur. Merci d'avancer coûte que coûte, de rendre chaque mandal, chaque mandal. Pour le pire et le meilleur, j'ai pas peur de dire, j'ai pas peur de dire que j'ai peur. J'ai encore la chance d'avoir ceux qui ne sont pas partis. Mon quotidien repose sur ce qu'on a bâti. Amateur et amatrice, on est qu'au début de la partie, ma fratrie. Penser la quitter ça m'attriste, est-ce que ça te rassure? Je crois qu'on n'est pas d'accord, j'assume. C'est ma manière d'être et je peux rien y faire, je t'assure. Même au pied du mur, je te garantis un bel avenir. Je me sens vivant quand je pousse les miens vers un ciel azur. Je respire et si ça me suffit pas, je communique. Car le silence nous asphyxie comme la diphtérie. J'analyse les risques et j'analyse mes vices. La franchise, l'honnêteté nous protège de l'hystérie. J'avance à tâtons mais j'avance quand même. Je t'emmène dans un rêve à part. Chaque jour s'enchaîne, tu traînes la patte. Je reviens très loin, ça me rend très jaloux. Encore une fois, je saute à pied joint dans un piège jaloux. Ok, la vie est un grand tournoi, mais les ampoules s'éteignent dans ce couloir. Chacune des portes renferme un grand trou noir. Sans défouloir, privé de couleur, une touche d'espoir dans les écouteurs et la lumière reprend le pouvoir. Merci d'avancer coûte que coûte, de rendre chaque mandal, chaque mandal. Pour le pire et le meilleur,